Sinon SMP MC parmi tant d'autres n'a pour pote que son micro. Parlant de ses jouets, ses fautes, ça fait de piche que je rappe toujours sans label et prod. Et je rêve de toucher les bacs pour qu'un jour ma vie soit rose. Moi j'écris par passion, non pas pour voir le soleil. Je percerai pas mes bons passants car mon rêve est dans le sommeil. Je rêve laisser tomber les peurs et de faire un débarquement. Je pensais pas qu'étant rappeur dans tous les départements, dans le camp de tant de chanteurs et rendant les sélections. Comment tu veux plaire à toute heure alors qu'il y en a des millions? Trop de gens qui viennent me voir et qui viennent me parler, qui continuent d'y croire ou bien d'y espérer. Et puis qui viennent me dire de maqueter mon CD. Impossible, c'est à dire qu'il y a des gens plus gradés. Quand j'entends ça, ça me plaque, pourtant je ne suis pas vantard. Pourquoi certains disent que mon rap on pourrait s'en faire des milliards? La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas. La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas. Je reviens le préciser, comme certains ne le savent pas, je ne vais jamais percer car je n'y arriverai pas. Aujourd'hui j'ai 17 ans, considéré comme rappeur, et je cherche depuis tout le temps un de ces grands producteurs. J'avoue, il y a trop de gens qui font les beaux et font les belles. Maintenant Tino et son accent est à la recherche de la belle. Je cherche de partout, histoire de trouver le meilleur, celui qui me mènera au bout, afin de calmer ma rancœur. Je vais remercier les amis ainsi que tous les gens qui m'aident, aussi bien dans la vraie vie ainsi que les poteaux du net. Les gens qui passent sur le blog et qui me laissent des commentaires, quand je les lis c'est comme un choc, car vous m'aimez comme un frère. Et si je passe une dédicace à mon beau-père, mes parents et ainsi qu'à mon grand frère, sache que je t'oublie pas Tristan. Je crois bien que dans ce texte j'en ai oublié l'essentiel. Il n'y a personne que je déteste car vous êtes mon arc-en-ciel. La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas. La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas. Et oui, ce dernier couplet est conçu pour dédicacer à tous les gens qui m'ont aimé, tous ceux qui m'ont apprécié. Je me rappelle de mes débuts quand je rappais devant mon frérot, qui me disait arrête t'abuses, franchement t'as pas de flow négro. Je me souviens de mon premier groupe avant d'entamer le solo. Je passais des rimes à la loupe avec mon poteau Momo. Y'a des gens que j'appréciais, y'a des gens que j'ai frappés, et je ne fais que me rappeler de M-Dog et FAP. J'arrivais pas à me relire tellement ça sentait le roussi. Je me rappelle de mes délires avec Gino et Yozy. Y'avait des mauvais moments, j'oublie pas les bons côtés, car il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me boycotter. Faut jamais baisser les bras si tu veux toucher à l'or. Je le dis encore une fois, ce qui tue pas rend plus fort. Oui, sachez quoi qu'il arrive, je resterai toujours le même, même si je pars à la dérive. Sachez bien que je vous aime. La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas. La vie elle est là, la vie elle est trop grande. La vie c'est comme ça, seul Dieu décide les sorts. Tu rêves de percer mais tu n'y arriveras pas, tout simplement car Dieu lui ne voudra pas.